Opportunité, ce privilège que tu nous accordes maintenant de nous tenir dans la maison de Dieu, dans le calme et la paix, avec confiance et assurance que tu es Dieu et tu exauces les prières avec la foi que toi tu nous donnes pour croire aux choses impossibles, mais celles dont nos cœurs ont besoin. Tant que nous ressentons le besoin, tu nous as donné la liberté de former les cela sous forme de prières et de supplications, d'adresser les demandes et de croire que cela est possible et que nous le verrons se manifester. Que ton nom soit élevé pour ce privilège qui nous permet de nous tenir sereinement devant Dieu, le Dieu vivant, dans la foi. Bénis cette réunion de ce soir et donne à chacun la joie d'y être, la joie d'écouter ta parole, la joie d'être édifié par ta vérité, la joie de connaître tes voix, la joie d'obéir à Dieu. Brise le mécontentement, détruis tout mécontentement infondé dans ta parole. Nous ne voulons ni de l'irritation caïnique, ni du mécontentement judaïque, pour des causes charnelles, des intérêts égoïstes. Mais nous avons besoin de la justice de Dieu. Descends et communique avec nous, Seigneur, et révèle-nous tes voix. Conduis cette réunion, tu te mets jusqu'à la fin, dans le nom de Jésus-Christ. Nous lisons et prions. Amen. Amen. Nous allons lire la parole du Seigneur dans la Bible. Luc chapitre 4. Nous prenons le verset 1 jusqu'au verset 13. Jésus, rempli du Saint-Esprit, revint du Jourdain. Et il fut conduit par l'Esprit dans le désert, où il fut tenté par le diable pendant 40 jours. Il ne mangea rien durant ces jours-là, et après qu'ils furent écoulés, il eut faim. Le diable lui dit, « Si tu es le Fils de Dieu, ordonne à cette pierre qu'elle devienne du pain. » Jésus lui répondit, « Il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement. » Le diable, l'ayant élevé, lui montra en un instant tous les royaumes de la terre, et lui dit, « Je te donnerai toute cette puissance et la gloire de ces royaumes, car elle m'a été donnée et je la donne à qui je veux. Si donc tu m'adores, elle sera toute à toi. » Jésus lui répondit, « Il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu, et tu le serviras lui seul. » Le diable le conduisit encore à Jérusalem, le plaça sur le haut du temple, et lui dit, « Si tu es le Fils de Dieu, jette-toi d'ici en bas, car il est écrit, il donnera des ordres à ses anges à ton sujet, afin qu'ils te gardent. Et ils te porteront sur la main, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. » Jésus lui répondit, il est écrit, tu ne tenteras point le Seigneur ton Dieu. Après l'avoir tenté de toutes ses manières, le diable s'éloigna de lui jusqu'à un moment favorable. Yesu atondaki na molimo mosantu, alongaki ya la DNP, akambamaki na molimo kati na lisobi, mikolo tukumi ne kumekama na satana, na mikolo yango aliaki eloko te. Yohana esilaki mikolo yango koleka, ayokaki nzala. Satana alobaki na yete, solo ozali mwana na Nzambe, Lobana libanga oyo ete ebongwa na kwanga. Yesu azongiselaki ete esili kokomama ete moto akobika bobele na kwanga te. Pe akambaki ye na likolo mpe alakisaki ye bokondi nyonso na mokili. Na matango moke moke. Satan alobaki na ye ete na kopesa ye bokondi oyo nyonso pe kembo na yango. Po ete esili kopesamela ngai. Pe soko nandimi kopesa nani yango na kopesa yango na ye. Na bongo soko okogumba melangai oyo yonso ekozala ya yo. Yesu azongiselaki ete esili kokomama ete okogumba melankolo nzambe na yo mpe okosalela bobele ye. Pe akambaki ye na Yerusalemi mpe atelemisaki ye na songe na tempelo. Pe alobaki na ye ete, soko ojali mwana na nzambe, bwaka nzoto na ye na se, po ete esili kokomama ete, akolaka banje na ye na ntina na yo ete babatela yo. Pe ete bakomema yo na maboko na bango, ete otuta litambe na yo na libanga te. Yesu azongiselaki ete, esili kolobama ete, okomeka nkolo nzambe na yo te. Wana esilaki Satana komeka meka yonso alongwaki na ye kino eposa mosusu. Matthieu chapitre 26. Matayi mokapo ya tukumi bale na motoba. Verset 14 à 16. Molonga zomi na mine kino zomi na motoba. Alors l'un des douze, appelé Judas Iscariot, alla vers les principaux sacrificateurs et dit: que voulez-vous me donner? Et je vous le livrerai. Et ils lui payèrent 30 pièces d'argent. Depuis ce moment, il cherchait une occasion favorable pour livrer Jésus. Bongo moko na bazomi mibale kombo na ye Yuda, mokelota, akendaki epai na banganga minene, alobi ete bolingi kopesa ngai nini soko nakokaba ye epai na bino, bafuti ye misolo na palata 13. Longwa na tango yango alukaki nzela na kokaba ye. En Pierre chapitre 5, verset 8. Soyez sobres, veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Que Dieu bénisse la lecture de sa parole. Veuillez vous asseoir. Bienvenue à la table du Seigneur. Oui, malam, on a mis ça en colo. Dans la maison de Dieu. Kati nanda konanzambe. Que la grâce de Dieu repose sur nos cœurs. Konanzambe evanda likola mitema na biso. Nous allons ce soir entretenir nos âmes. Toko loba zinga zinga na poko lelo na tina miela na biso. Autour d'une pensée de méditation. Zinga zinga na likalisi moko. Intitulé ton ennemi cherche une occasion favorable. Et bien ami était mon goût dans la ko luka liba kumo ko malamu. Ton ennemi cherche une occasion, un moment favorable. Mon goût dans la ko luka liba ku to tango moko malamu. Nous sommes au front combattants de la foi. Vous allez na tumba biso babundi o ya kondima. Et lorsque vous affrontez un ennemi que vous connaissez mal, tango zali ko bunda na mon goût na wibi malamu te, votre bataille risque de se livrer par hasard. Et tumba na wibi ko sala mabobele na pasaboye. Et votre victoire est aléatoire. Et longa na wibi zali bobele ya pamba te ya tango moke. Mais lorsque vous livrez une bataille avec ou contre un ennemi que vous connaissez, assez bien, ou sinon très bien, alors là, vous pouvez connaître ses points faibles et fortifier à l'opposé de ses points faibles, développer des points forts contre ses points faibles, et par conséquent, affermir la perspective de gagner une victoire ou des victoires. Non, nous ne pouvons pas aller prendre beaucoup de passages. Nous prenons ici pour cette méditation deux passages bibliques. que nous avons lu ici dans Luc chapitre 4, du verset 1 au verset 13, c'est déjà 13 versets, ce qui veut dire une richesse infinie de vérité, une abondante inspiration, parce que chaque écriture de la parole est inspirée de Dieu. Et Frère Branham dit que chaque mot de la Bible est inspiré de Dieu. Alors, si dans chaque verset il y a plusieurs mots, c'est qu'il y a de l'inspiration certaine dans chaque verset. Et quand nous prenons Luc 4 verset 1 à 13, c'est toute une richesse d'inspiration divine, parfaite. Et ici, dans Matthieu chapitre 26, nous avons lu pour raison des temps le verset 14 à 16, mais vous verrez que notre comparaison partira du verset 6 jusqu'au verset 16. Dans ces deux passages bibliques, notez qu'il y a eu un mécontentement. Il y a eu du mécontentement de deux côtés. Et le mécontentement a été exploité comme tremplin par l'ennemi de Dieu, appelé le diable Satan, pour tirer vengeance, ou pour répondre. Voyez ici dans Luc 4, verset 1 à 13. Le diable est venu tout joyeux tenter Jésus, comme il était habitué à tenter les croyants, les fidèles de Dieu. Mais pour la première fois depuis la création, le diable a échoué lamentablement. Tous ses assauts. Il a rencontré pour la première fois un échec cuisant pas à pas. Et quand il a perdu la bataille, la tentation, tous les trois grands assauts habituels, la Bible dit au verset 13 dans Luc 4, après l'avoir tenté de toutes ses manières, c'est-à-dire que le diable a épuisé toutes ses cartouches, il a vidé toutes ses stratégies, il en avait plus d'autres. Il a tenté comme si c'était pas il a tenté. La Bible dit il s'éloigna de lui jusqu'au moment pas. Pour lui, il s'est pas avoué vaincu définitivement. Il grince les dents. Dis, qui est celui? Comment il peut résister à ce point? Résister à moi? Bien reçu. Qui se croit-il être? Pendant tout ce temps, il essayait si bien que mal de digérer sa défaite. Et il se questionnait, comment puis-je jouer moi? J'ai tenté Adam. J'ai tenté Ève. J'ai tenté tous les prophètes. J'ai tenté le peuple d'Israël. Ceux qui se croyaient enfants de promesse. Je n'ai jamais rencontré une telle résistance, une telle ambiance. Qui est celui-ci? Qui se croit-il? Comment puis-je l'avoir? Et il cherchait un moment favorable. Il était occupé à ça. Ye, abandaki kotalela tango wana malamu. Faire du bruit. Kuzanga kosala makelele. Mais il pouvait se cacher derrière les pharisiens. Allait se cacher derrière les pharisiens. Utilisait quelques soubresauts, quelques épiphénomènes. Mais on dirait qu'il n'avait toujours pas d'assurance que si je rebondis, je vais venir. Donc, la défaite que Jésus lui avait infligée était tellement fatal. Il a pris du temps et des stratégies avant de rebondir. Si tu me dis, je viens encore directement, mais il va m'humilier. Je suis venu en personne. Ce n'était pas mes émissaires, mais moi-même. Mais qui puis-je envoyer parmi les démons qui pourraient faire tomber cet homme? Même parmi mes chefs, mes capitaines, mes liaisons les plus fidèles, qui pourrais-je envoyer? Il a eu de la peine. Après avoir échoué, personnellement. Si, mais si moi j'ai échoué. Même si j'ai formé quelqu'un. Je crains qu'il me revienne encore avec des rapports décevants. Je n'ai plus aucune chance pour moi de réussir cette bataille. Satan a pris tout un temps. Des années pour mûrir la nouvelle stratégie. La défaite était cuisante. Comme il est écrit là, Luc 4:13, après l'avoir tenté de toutes ses manières, épuisement des cartouches, épuisement des méthodes, il s'éloigna de lui. Jusqu'au moment favorable. Voyez-vous? Il n'a pas dit à Jésus que je m'éloigne jusqu'au moment favorable, je vais revenir. Il ne pouvait pas promettre ça, tellement il était confus, humilié. Quelque chose qu'il avait caché dans son cœur. Laissez-moi vous dire que Dieu sait tout. Même les secrets du diable. Dieu connaît tout. Même les choses que le diable cache soigneusement. Voilà le Seigneur dévoilé cela. Quand il s'était éloigné là, ce n'était pas définitivement. Quand il s'en était allé là, ce n'était pas pour l'éternité. Mais c'était jusqu'au moment favorable. Il s'est éloigné pour un temps. Il s'est reconstitué, refaire ses méthodes et revenir en force. C'est une stratégie de bataille. Mes chers amis, ne soyez jamais dupes. Quand votre ennemi s'enfuit, vous êtes libre de crier victoire, mais vous n'avez pas le droit d'abandonner la vigilance et la sobriété. L'ennemi qui s'enfuit est un ennemi qui cherche un moment favorable. Il cherche une occasion favorable. Ça, c'est une réalité. Alors, tenez compte de cela. Que Dieu nous fasse grâce de ne pas tomber dans ce nouveau piège. De ne pas nous laisser surprendre par lui. Mais soyons vigilants. Comme l'Écriture a exhorté. Soyez sobres. Car votre adversaire, le diable, il rôde comme un lion rugissant, comme un lion blessé, Imaginez, il a tout pouvoir, il a une grande puissance parmi les animaux. Mais quand l'on retrouve le lion blessé, sa vengeance est généralement impitoyable. Et vous ne lui en donnez pas l'occasion. Demeurez vigilant. Votre adversaire, le diable, il rôde comme un lion luisant. Il dévorera. Ayez cette conscience parce que la parole vous révèle cela comme cela. Dans Matthieu au chapitre 12, il y a encore un rang. Une sorte de rang, une bataille. Un autre bataille qui nous est présenté. Regardez parmi les stratégies des démons. Matthieu 12, verset 43. À 45. Lorsque l'esprit impur est sorti d'un homme, il va par les lieux arides, cherchant du repos et il n'en trouve point. Alors il dit, je retournerai dans ma maison, d'où je suis sorti. Et quand il arrive, il la trouve vide, balayée et ornée. Il s'en va, et il prend avec lui sept autres esprits, plus méchants que lui. Ils entrent dans la maison, s'y établissent, et la dernière condition de cet homme est pire que la première. Il en sera de même pour cette génération méchante. Wana molimo na mbindo abimi na moto. Apotambolaka na bisika bijangi mai mpona koluka efandelo nde akozwa te. Bongo akoloba ete, na kozonga na ndako na ngai, wana ebimaki ngai. Ekokamata ye, akomema ete ajala pamba, akomona ete ezali pamba te, ekombami te, ebongisami. Bongo akokenda te, akoya na milimo mosusu sambo baoyo baleki ye na mabe, pe bakoyingela kofanda kuna. Pe motindo na suka na moto yango ekozala mabe koleka motindo na liboso ekozala mpe bongo na libota oyo na mabe. Ici, il s'agit d'un esprit impur, un démon qui avait un lieu d'habitation. C'est dans une personne, un être humain, un homme, une femme, un garçon, une fille, un mari, une épouse, là où il habitait, ça peut être un fiancé, une fiancée, mais le démon habitait là-bas. Mais quelque chose fait qu'il soit délogé. Une force plus grande le déloge de là. Il l'oblige à sortir de là. C'est un croyant qui l'a chassé. Soit c'est le réveil de la foi de la personne qui le contraint à quitter le lieu. Parce que l'homme a pris conscience de son identité spirituelle et décide de se ranger du côté de la vérité, du côté de la parole, pour vaincre comme Dieu l'ordonne. Le démon est obligé de vider le lieu. Quand la foi se réveille, le démon cède. Lorsque le croyant avance avec sa foi vers un lieu habité par le démon tremble, et si le croyant le chasse, le démon doit sortir. Il doit partir. Telle est l'autorité consacrée de la Bible. Vous le croyant, n'ayez jamais à l'esprit de rencontrer la résistance des démons. Ils peuvent essayer, mais sachez que vous devez résister fermement, maintenir votre position, c'est à eux de reculer et non pas à toi de te décourager. Ce n'est pas à toi de te relâcher, mais c'est au démon de céder et de s'en aller. Il vous appartient de connaître ça. Il vous appartient d'agir comme cela. C'est important de ne pas ignorer cela. Ne soyez ni hésitant ni tremblotant. Mais soyez ferme dans la foi. À tout esprit impur. Le Seigneur a donné à ses disciples le pouvoir sur toute infirmité. Et l'autorité sur tout esprit impur. Croyez-vous que c'est fait pour vous? Vous allez pour que Dieu ne s'amuse pas en les disant. Croyez-vous qu'il est là fait vraiment? Vous allez pour Dieu ne pas en les disant. Tout est là. Tout est là. Dieu l'a dit, il l'a établi pour vous. Alors, quand vous avancez face à un démon, ne vous questionnez pas s'il sera possible de vaincre. Vous devez vaincre. Et vous allez vaincre. Et vous êtes plus que vainqueur. Que cela pénètre en vous, et que cela demeure dans votre cœur. Vous devez vaincre, et vous allez vaincre, car Dieu vous a fait plus que vainqueur. Qu'il y ait ni doute ni hésitation. Alors, vous pouvez aller pour secourir votre semblant en prenant l'exemple de Jésus-Christ lui-même, votre divin modèle, dans Actes des Apôtres chapitre 10. Il est écrit ceci au verset 38, vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit et de force Jésus de Nazareth, qui allait de lieu en lieu, faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable. Car Dieu était avec lui comme Dieu est avec toi. Voyez ça? Il guérissait tous ceux qui étaient sous l'empire du diable. Tous ceux qui étaient dominés et tourmentés par le diable. Le diable par son empire. Un empire des démons, des esprits méchants et mauvais. Dominant les êtres humains. Des hommes et des femmes, des garçons et des filles. Des fiancés au masculin et au féminin. Des maris et des épouses. Mais qui étaient sous l'empire du diable. Jésus venait les rapporter la guérison. Et il est le même hier, aujourd'hui et demain. Il peut vous utiliser maintenant encore. Pour aller secourir votre semblant. Comme le même Pierre qui dit ça, lui aussi a été utilisé par le même Seigneur. Et nous voyons ce qui est écrit dans Actes des Apôtres chapitre 5. Verset 14. À 16. Le nombre de ceux qui croyaient au Seigneur, hommes et femmes, augmentait de plus en plus. De sorte qu'on apportait les malades dans les rues et qu'on les plaçait sur les lits et des couchettes, afin que lorsque Pierre passerait, son nombre au moins en couvre quelques-uns. Oui. Babeli, babeli, bamemi babeli, kati nan zelampe, bati bango na mbeto, pe na matoko eke, ata elilini na pete roko ya na maboko na bango, wana ejalaki na eko tambula. La multitude courait aussi des villes voisines à Jérusalem, amenant des malades et des gens tourmenté par des esprits impurs, et tous étaient guéris. Et bien à bateau, na mboka, na bipai, na Elusalemi, bayangani, pe, bamemi babeli, na batungisami na milimo na mbinu, pe bango yonso babiki. C'est le même évangile qui nous a été restauré maintenant. Avec la même puissance et en l'homme. Le croyant peut brandir ça. Il n'a pas s'imaginer s'il y aura des échecs. Nous n'avons pas nous demander si nous allons échouer. Mais nous sommes faits plus que vainqueurs. Nous devons vaincre et nous allons vaincre. Amen. Pierre croyait comme moi comme ça. Et il est allé au front, il a glané des victoires. Il est parmi vous croit comme moi comme ça. Il est allé au front, multiplier les victoires. Et quand nous marcherons ensemble, croyez comme ça. Nous multiplierons les victoires. Et Dieu augmentera les miracles. Et la croix en action. La Bible ne dit pas quelques étaient guéris et d'autres. Mais n'est pas écrit comme ça, je ne peux pas imaginer ça comme ça. C'est écrit que tous étaient guéris. Même Jésus qui avait guéri tous ceux qui étaient sur la terre. Parce que Dieu était avec lui. Même Jésus était avec ses disciples. De sorte que le résultat était spectaculaire. La victoire était obligatoire. Et l'onga est là qui penda. Dieu utilisait. Zambe a manifesté sa puissance. Zambe a manifesté sa puissance. Donnez seulement accès à votre cœur. Donnez un grand accès à Jésus dans votre cœur. Et vous verrez qu'il peut faire de très grandes choses dans votre vie et parmi vous. Dans les sermons ici, je me tiens à la porte et je frappe. J'aimerais lire un peu. Prêché le 8 décembre 1957. Je me tiens à la porte et je frappe. 21. Voyez ce qu'il dit. Il dit ceci. Donc, le paragraphe 20 à 21, je vais dire. Il dit, si je viens chez vous, et que vous me souhaitez la bienvenue, je me sentirai comme votre frère, et je peux aller partout où je le désire, et je suis vraiment bien accueilli. N'est-ce pas vrai? Amen. Si je vais chez vous, et que je sente comme si vous disiez, soyez le bienvenu. Cela veut dire que je suis le bienvenu partout dans la maison. Je pourrais juste aller partout. Dans votre maison. Si je veux me coucher un moment, j'irai dans la chambre à coucher. Et si je désire manger un peu, j'irai à la cuisine. Je me sentirai juste le bienvenu. Et si vous venez aussi chez moi, ou moi chez vous, et que vous disiez, eh bien, restez ici même. Mais n'essayez pas d'ouvrir cette porte. N'allez pas là. Je ne serai pas tellement le bienvenu. Parce que vous me donnez des limites et des restrictions. Je ne serai pas totalement allé. Je ne contrôlerai pas, mais j'ai ce même mouvement. Mais quand vous me dites, soyez le bienvenu. Ça veut dire, faites comme chez vous. Je peux aller partout. Sans réserve, sans limite. Et quand vous me dites, restez juste ici. Juste sur le fauteuil là. C'est-à-dire même la chaise de jardin qui est à côté, je ne pourrais pas les dire d'aller m'asseoir là. Je me sentirais trop limité et mal limité. Et c'est ce que des fois nous faisons à Jésus. Viens de l'heure de ma vie, viens de notre église, viens de notre réunion ce soir. Viens de l'église, oh, Il faut pas quand même mettre un truc partout, non? Il faut que soit discipliné, c'est bien. Il ne faut pas toucher nos chaises. Il ne faut pas une réunion. La réunion, il ne faut pas qu'elle dure trop longtemps. Mais il ne faut pas improviser des choses. D'ailleurs, ne touchez pas à tel point dans la prédication. Jésus aussi se sentira limité. C'est comme s'il n'aura pas la liberté de faire tout ce qu'il veut. Si vous l'accueillez, vous êtes proche des limites. Alors que lui, il est naturellement illimité. Lui, il peut faire tout. Mais quand vous commencez à dire, bon, je crois que tu peux faire des miracles. Mais dans tous les cas où la médecine a déjà trouvé les solutions, ne t'inquiète pas, je ne vais même pas te déranger. Tu m'as donné l'argent, je vais à l'hôpital. Et t'attends pas que je vais te demander de me guérir. Le programme national au ministère de la Santé, il a déjà dit quoi faire pour traiter la malaria. C'est pas un problème qui demande d'aller déranger Dieu. On est allé camboter ce qu'il faut qu'il ne coûte pas déjà la solution ici. Et toi tu vas donner l'argent. Vous voyez comment nous faisons des fois. Nous n'allons pas déranger Dieu. Alors que rien ne lui est impossible. Il peut intervenir même là où vous pensez être capable. C'est sûr que vous l'appeliez sur la terre. Mais des fois la civilisation occidentale, leur adage sacrilège. On appelle ça un sacrilège contre Dieu. Connaissez-vous cet adage là? Aide toi et le ciel t'aidera. Ça c'est craché sur la bouche. Nous ne devons ni croire ça ni accepter ça. Il est écrit que le Seigneur est mon aide. De qui aurais-je peur? C'est Dieu qui est mon aide. Non pas aide-toi, le ciel est tédéré. Et dans leur audace, ils vont jusqu'à dire la Bible à l'État. C'est comme ça qu'ils se disent des mensonges entre eux là-bas. La Bible a dit, aide-toi, le ciel est tédéré. La Bible des Européens. Voilà Bible à Batou Neropa Kuna. Une Bible imaginaire, pas celle que nous avons ici. Il a dit, aide-toi, le ciel t'aidera. Notre vraie Bible dit que le Seigneur est mon aide. De qui aurais-je peur? Il est un secours qui ne manque jamais dans la terre. Amen. C'est ça le Dieu de la Bible. L'éternel Dieu est un rocher et un appui. Il est un secours qui ne manque jamais dans la vie. Et pour Israël qui a marché au désert, la Bible dit que pendant toute leur marche, au milieu de toutes leurs épreuves, ils n'ont pas été sans secours. Et le même Dieu de David a dit, les épreuves atteignent souvent le juste, et il sait de lui-même avant que le ciel ne l'aide. Voilà. Vous voyez qu'ici on a déjà éveillé. Ils ne vont pas se laisser tromper comme ces canards là. Ces canards qu'on traîne dans la boue là-bas à côté. C'est alléluia. Soyez éveillés. Votre ennemi cherche un moment favorable. Il cherche une occasion pour vous envahir. Une occasion pour pénétrer, vous dominer. Mais soyez sombres. Veillez toujours. Ne cédez à aucune distraction. Tu dis amen à la vérité. C'est vrai. La Bible l'a dit au contraire. Les épreuves atteignent souvent le juste. Mais l'Éternel les en délivre toujours. Dans le psaume 121, comme David, nous les fidèles, nous le disons aussi. Je lève mes yeux vers les montagnes. Où me viendra les secours? Les secours me viendront de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Nous avons en lui un vrai secours. Il est notre aide la plus sûre. Et la Bible dit dans le psaume 118, je vous ai confié en l'Éternel de compter sur les grands. Mieux vaut se confier en l'Éternel que de compter sur les autres, sur le puissant. Mieux est mieux que le puissant. Mieux vaut mieux que les hommes. Et il est écrit qu'avec Dieu, nous ferons des choses. C'est lui qui éclatera nos sacrifices. Amen, amen, amen. Amen, amen. Dieu écrasera nos ennemis. Et par lui et avec lui, nous ferons la vérité. Voilà la vérité. Il est notre secours quand nous serons menacés. Quand nous serons acculés. Quand nous nous sentons tellement coincés. Donnons lui libre accès à tout notre être. Il utilise n'importe quelle partie de notre personne pour atteindre ce but à lui, pour accomplir ses œuvres à lui, pour réaliser ses miracles à lui. Seigneur, je te donne tout de moi, je t'offre chaque partie de mon être. Y a-t-il quelqu'un qui dit la même chose ici? Je te donne chaque partie de mon être. Il faut que n'importe quel membre de mon corps, n'importe quelle partie de mon esprit, voilà toute mon âme, l'utilisera comme bon se voudra faire et accomplit tes merveilles. Je veux en être témoin. Je veux témoigner ça. Je veux vivre, voir cela. Et ta puissance est infiniment grande. Et ton nom sera célébré par ma bouche. Et par tous ceux qui m'entendront. Ils reconnaissent qu'il n'y a pas de meilleur Dieu que toi. Lève-toi. Et que l'on sache aujourd'hui qu'il y a Dieu sur la terre, qu'il y a Dieu dans son pays, qu'il y a Dieu dans cette ville, qu'il y a Dieu dans ce quartier. J'aimerais voir une foi qui se lève comme cela. Et quand certaines de Dieu pour l'appeler sur la terre, croyant en sa victoire, et Dieu fera encore des merveilles. Et Dieu fera encore des choses nouvelles. Dieu produira encore des expériences. Et ton âme sera consolée. Et bénie. Secourue. Délivrée. Aidée. Et oh, que Dieu nous aide. Ton âme sera aidée. Et que Dieu nous aide. Que Dieu t'aide, mon frère. Même quand il s'imaginerait que vous êtes fini, qu'il soit surpris que vous êtes toujours fort. Et veillez, donnons-lui accès à tout. Et notre joie sera de plus en plus grande. J'arrive au paragraphe d'entrée maintenant. Eh bien, c'est ce qui se passe aujourd'hui avec les gens qui se disent le Christ. Vous dites, oh, je suis membre de l'Église. Donc c'est bien, hein? Mais vous voyez, la raison pour laquelle il n'y a pas de problème dans l'église, la raison pour laquelle il y a tant de confusion dans l'église, tant de mécontentement dans l'église, ce n'est pas parce que Jésus n'est pas là. Il est fidèle à sa promesse. Il a dit à ses fidèles, et c'est la vérité jusqu'à présent, voici, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Il a dit et il le fait. Pourquoi nos problèmes subsistent? Pourquoi les difficultés plaisent? La raison n'est pas liée à son absence. Oui, il est là selon sa parole. Seulement, il n'a pas accès à tout. Il n'a pas accès partout. Il n'est pas profondément le bienvenu chez nous. Nous avons toujours des contraintes de restrictions que nous lui avons imposées. Trop de formalités. Trop de coutumes. Et des choses qu'il les dispose. Vous voyez, il pouvait utiliser pour donner une prophétie dans le temps préparatoire du culte. Mais savez-vous ce qui se passe? Dans le temps préparatoire, tu n'es jamais à l'église. Pourtant, pendant ce temps, il pouvait utiliser. Il pouvait consacrer toujours présent. Pour passer un message préparatoire. Avant que le culte ne démarre. Mais quand toi, le vase, homme ou femme, tu es tout en temps. Et tu as fait de cette coutume une qualité. Tu ne te interroges même pas pour ce que tu n'as même pas ton souci. Pour toi, l'essentiel, Jésus est là. Mais comment va-t-il t'utiliser? Parce qu'il t'attend au lieu de rendez-vous, tu es toujours absent. Les dons opèrent pendant ce temps-là, comme le message nous enseigne. Les citoyens se réchauffent pendant ces 40 minutes-là. Mais toi, tu es toujours absent. Tous les miracles liés à cette période d'office, dans notre système, par notre formalisme et nos habitudes. Est-ce que c'est la faute de Dieu? Et ça, c'est toi et moi. Maintenant, on va demander, mais pourquoi Dieu ne fait pas ce que fait nous? C'est vous-même qui voulez qu'il ne le fasse pas. Vous ne vous disposez pas. Il est 16h30. En prière à genoux à l'église, mais toujours absent. Tu t'imagines que Jésus cherche quelqu'un d'autre qui pourra utiliser un catholique qui va venir et nous allons l'accepter. Quand le catholique viendra, on va dire, mais toi, tu es insuspect. D'ailleurs, si tu as le don de Dieu, On trouvera une raison pour ne pas accueillir. Et par notre système, nous empêchons au Seigneur de faire ce qu'il peut faire. C'est comme si nous l'obligeons d'agir seulement dans nos formalismes, dans nos formes, dans nos coutumes. Et il y a du mécontentement. Nous avons une joie partielle. Nous sommes satisfaits en partie. Alors que lui veut nous donner une joie parfaite. Il veut nous faire savourer le bonheur de sa présence. Ben, trop de restrictions liées à nos habitudes. Vous voyez ça? Moni. Nous lui donnons un culte incomplet quand nous venons à l'État. C'est encore une limitation. Une restriction. Rentrons en nous-mêmes. Est-ce que vous ne donnez pas du terrain à l'ennemi comme ça? Vous lui donnez une passe en or vraiment facile. Vous bloquez concernant ceci, de vous bloquer concernant ceci, vous impliquez concernant cela. Par votre négligence. Par votre négligence. Et vous vous habituez dans la négligence, juste en faire des qualités, pensez que ce sont des qualités. Donc vous venez à l'église en état et devenez une qualité. Tellement que c'est une qualité, ils ne veulent pas abandonner ça. Ils ne veulent même pas s'il faut changer. Ils ne viennent pas toujours en état. C'est une qualité d'ailleurs, quelque chose à garder. Vous allez pifolo qu'à combattre là. Mais quand quelqu'un commence à avoir des mauvaises pensées comme ça, avant de m'en aller, qui va l'utiliser, le Saint-Esprit ou l'Esprit de l'ennemi? Que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide et que le changement se voie. Il faut être décidé, prendre la décision. C'est cela. Il y a maintenant les nouveaux pas, les nouveaux résultats. La raison pour laquelle il y a tant de problèmes dans l'église. Il y a tant de confusion dans l'église. Et tant de mécontentement dans l'église. Ce n'est pas parce que Jésus n'est pas là. C'est parce que Jésus ne peut obtenir l'accès aux endroits où il veut aller. Maintenant, vous allez dire, le retard ne touchez pas. On a beaucoup de choses à faire. Il y a les embouteillages à Kinshasa. Il y a les embouteillages à Kinshasa. Il y a les embouteillages à Kinshasa. On n'en parle même pas. Même Jésus, quand il doit rendre le prédicateur pour en parler, ça devient pour un problème. Il ne parle pas, il ne touche pas à ce point-là. Parce que nous avons des réalités, c'est connu à Kinshasa. C'est involontaire. Les embouteillages ici, ça passe la tête. Le prédicateur, laissez-nous tranquille parce que là, vous allez pour nous donner. Comme tu veux, Seigneur. Là où je ne peux pas, c'est toi mon aide. D'ailleurs, tu es en train de me le dire, tu es mon secours. Je veux collaborer avec toi. Point. Pour qu'ensemble nous fassions un exploit. Est-ce possible? Ne vous compliquez pas la vie, hein. Je veux me joindre à l'église. Et à part cela, laissez-moi diriger ma propre entreprise. Si je veux me marier, je ne veux pas d'encombrement. Pour l'église, laissez-moi aller. C'est mon propre avenir. Avec l'état des lois et tout ça. Mais ça, c'est pas comme je vois en Afrique ici. Si moi je vais me marier, qu'est-ce que le pasteur a à voir avec? Qu'est-ce qu'il a à voir? Je vais m'arranger avec la famille, je me marie, c'est tout. Et puis ils disent, c'est pas comme je vois en Afrique. C'est comme s'il y a un message destiné aux Africains. Des Européens. Il y a vraiment quelque chose qui ne va pas. Au moment de l'enlèvement, plusieurs seront désillusionnés. Il n'y a qu'un seul message. ou vous l'appliquez, ou vous l'accommodez à vos systèmes. Ce qu'il dit doit être pratiqué. Mais les gens font des compromis. Ils disent, wow, chez nous. Oh, ne venez pas tout ça, c'est fini. Oh non, sinon je vais te poser plainte. Et tu verras, l'État va t'amener à la prison fédérale. Pour une rééducation. Voilà, Dieu me dit assez. Je te porte plainte. Tu te dis, serviteur de Dieu, tu viens de déranger ma vie. Tu te portes plainte. Et on te met à la prison fédérale pour te rééduquer. La vie privée est sacrée. Mais, que pensez-vous de ce que Jésus a dit? Chacun doit renoncer à soi-même. Il doit porter sa croix. Et suivre Jésus. Sans quoi il ne peut pas être soigné. Oh, mais ça c'est dans l'Antiquité. La mort en soi, ne touchez pas. Mais finalement, vous avez cru quel message? Avec ce genre de libertinage comme ça. Que Dieu nous aide à garder l'identité de la foi. Bien aimé, son message est très combattu. Le message original de l'évangile est très combattu. Et le diable dresse les esprits des humains. Contre la vérité. Mais elle triomphera. Elle qui régnera sur l'ensemble du monde, elle est la vérité qui régnera partout. Tout le système actuel du royaume du monde, partout. Et le royaume Dieu les remettra au sein. C'est ce qu'il a dit, ne crains pas petit frère, car la volonté de ton père est de te donner le royaume. Toi pour ta part, donne accès à Jésus partout. Quand tu lui dis, sois le bienvenu Seigneur, tu sois libre d'accéder à ton âme, à tes intimités, même à ta vie privée, il a un mot, écoutez-le. Mais dites-moi, ça c'est ma vie privée. Vous ne pouvez pas vous permettre un peu trop. Laissez-les accéder partout là-bas. Qu'il échange tout. Tel que je suis sans rien à moi, ou sinon ton sang versé pour moi et ta voix qui m'appelle à toi, ô agneau, agneau, c'est Dieu, je viens. Je viens, tel que je suis bien patient, tel que je suis bien patient, en proie au dos, à chaque instant, luttant d'ailleurs, craintant des dents, ah, agneau des dieux, je viens, je viens, tel que je suis, ton cœur est prêt à prendre le mien tel qu'il est, pour tout changer, pour tout changer à saveur parfait, agneau, agneau des dieux, je reviens, je reviens, tel que je suis ton grand amour, tel que je suis ton grand amour, à te pardonner sans retour, je veux être à toi Dieu, ces jours l'agneau de Dieu revient. Je... Voyez que lui ne peut pas forcer l'accès. Il respecte le principe de libre arbitre. Ça, c'est ce qu'il a doté à chaque être humain. Je respecte. L'invité, il vient. Mais pour accéder, vous devez encore lui dire, accède pas. N'ayez pas de domaine réservé. N'ayez pas des endroits interdits d'accès. Le lion va céder. Même si ça s'appelle sa maladie. Le Seigneur va jusque là. Même si cette maladie a une solution traditionnelle. Dis-lui, Seigneur, je veux que toi d'abord tu accèdes. Je veux un mot de ta part à ce sujet. Car je ne veux pas m'asservir à la coutume. Ni à la tradition. Mais je veux un mot de ta bouche. Et je saurai quoi faire. Quand il honore, lui aussi t'honorera. Quand tu honores Dieu, Dieu t'honorera aussi. Si tu tiens sa parole, il te soutiendra. Sachez que c'est vrai. Mais les esprits méchants dont on a fait lecture ici dans le livre, quand lui sort, on l'a une force, la contrainte, ça peut être croyant, ça peut être le réveil de la foi de la personne. Parce qu'il est dit, voici les miracles qui accompagnent votre prière. Nous chassons les démons. Nous pouvons chasser les démons dedans. Quand ils sont en nous, ils nous dérangent que notre foi s'y oppose. Nous pouvons les chasser aussi dedans. En allant vers nos semblables, nous chassons les démons qui les tourmentent. C'est pas vrai? Les deux possibles. Maintenant, un démon qui se trouve évincé comme ça. Il s'est dit, oh, il est parti. Il va chercher une occasion favorable. Quand il est parti, c'est pour des bons. Et l'esprit de mort qui est parti, c'est pas pour des bons. Vous voyez, encore et toujours sombre. Veillez! Il va profiter d'une distraction. Il va profiter d'un péché confessé quelque part. Allez, donnez un coup. Mais veillons tous. Comme le Seigneur a dit ce que j'ai dit, je l'ai dit à tous. Veillez. Il l'a dit à tous, veillez. Que personne ne se sente exempté. Ça concerne tous les fidèles. Soyez sobre et veillez. Ton ennemi cherche une occasion favorable. Ton ennemi cherche un moment favorable. Le démon qui est sorti là, dans la Bible, il est allé chercher une occasion. Et pour se rassurer que ça marche, sans dépendre de la volonté ou du libre arbitre, de l'homme en qui il habitait ou de la femme en qui il habitait. La Bible dit que le démon va chercher dans sa stratégie, ils viennent avec la décision d'envahir. C'est-à-dire que le candidat leur soit favorable ou non, et viendront pour s'imposer. Ils sont pas les créateurs de l'homme pour respecter le libre arbitre. Le diable lui-même est le rebelle numéro un. Là au ciel, il s'est fait rebeller. Un rebelle toujours restera rebelle. N'attendez pas de lui de bonne manière. S'il essaye de le faire, c'est une seconde nature. La vraie nature du rebelle, c'est de violer les règles. Il viole la loi, il viole les principes. Qu'est-ce que le diable fait? Si vous attendez qu'il vienne là en respectant les règles, il ne vous aura. Soyez capable de réaliser vos promesses. Zala na makoki ya kokisa makambo la kaka. Ne promettez rien. Soki bongo te ko la kalo kote. Gardez votre bouche fermée. Kanga monoko na yo. Et vous serez en paix avec vous-même. Boko zala na kimia na yo moko. Plutôt que de promettre ceci, promettre cela. Ko la kalo. Et puis après vous le faites pas et vous restez encore tranquille. Comme le petit diablotin. Loko la sabo la moke penza. Hein? Ou la ki wana. Comme un petit diablotin. Et quand même encore Dieu te rappelle ça, si c'est bien. Oh, mais vous pensez quoi? Vous allez vous cantonner. Écoutez. Boyoka. Monsieur, madame. Obali, moi, soyo. Soyez chrétien. Zalamo Christo. Donnez l'exemple de vie chrétienne. Dalisanda Kisabon et Christo. Que prenant me dit qu'un chrétien doit être un homme de parole. Si un homme ne respecte pas sa parole, si un homme ne respecte pas sa parole, si il n'est pas honnête, c'est un beau rien. Yé, Azalati n'a mon côté. Un beau rien. Tu ne veux ni lui faire confiance, ni lui confier. Ni rien lui confier. Et le côté qu'on pèse à la moukoumbe pas. Il ne vaut rien, vaut vraiment rien. Yé, abonné à l'eau pour mon côté. Que Dieu nous aide. Quand on dit ça à certains hommes qui s'appellent frères, on le bien, on le bien, on le bien, on le bien, on le bien, on le. Mais c'est ce que la parole dit que tu es. Mais regardez même encore. Il s'énerve, il s'achoppe. Pendant qu'on lui décrit ce qu'il est. Voilà, bah, t'as l'issue au Zali. Ou, gagne-vous rien. C'est pas possible. Et bon, l'inconscience ne doit pas nous amener. Gozanga, vous sautez le cogito comme un sautino, la parole et la vérité. Au lieu de le vivre, on les a dit solo. Elle était décrite dans une image, comme par exemple. Qui est allé sur le lit, misérable. Tu es pauvre, vous allez tu es aveugle et nu, ne te mets pas dans tes états pour dire, vous venez aveugle, vous le mettez pas là, et moi je suis pauvre. Quand la parole dit que c'est ce que tu es, assimilie-toi ce que tu es. Vous mystifiez ça. Regardez, Jésus est allé là-bas au temple. Je sais que vous n'avez pas le il trouve des vendeurs de pigeons. À côté, va te voir côté car bébenga. Une maman qui est en train de dire, yango, au temple. Quand il a tempé l'eau. Des pigeons. À l'autre côté car bébenga. Il vend. Elle vend les pigeons. À l'autre côté car bébenga. Dans les temples. Quand il a tempé l'eau. Elle appelle les clients qui passent, les gens qui entrent là-bas. À l'autre côté bébenga, va te voir. Yaka wande. Et puis l'autre, il était changeur, un cambiste, il changeait de monnaie. Mon soutien au salam à Kamami solo. Il s'appelle frère. Mais as-tu aimé ça? Mais qu'est-ce qu'il dit? Mais dans les temples, Jésus regarde donc. Il a façonné un fouet. Il a fini chicoter chacun de là. Il est sur les tables, il est écrit, ma maison sera appelée une maison de prière. Vous en avez fait une caverne de voleurs. Et ils ont commencé à bouder. Quel genre de miracle il veut montrer là. Oui, comme si n'allait pas la vie. Où il dit, il nous appelle voleurs, nous. Vous voyez toujours, tu y viens y aller. Vous avez comment la tangonne aussi? Azan obéit le monsieur Mihib. Monsieur, tu y viens y aller. Il y a Azan un loco. Tu y vas nini. Azan un nini. Voilà. On est. L'inconscience. Ozanga kusoto la. Quand la parole dit une chose que tu es ça. Tangonne le velo comment que ça y est. Humilie-toi, reconnais. Nikiti ça. Y est pas un bongo. Amen. Nous n'avons pas la nature de contester avec la vérité. Les églises, Dieu dit la Bible, ne conteste pas avec la vérité. Nous n'avons pas de puissance contre la vérité. S'il y a une force à nous, nous allons soutenir ce qui est vrai. Nous soutenir ce qui est juste. Même si ça nous condamne, ça nous reproche. Nous dirons oui, Seigneur, c'est comme ça. C'est comme ça que nous sommes délivrés. Vous connaîtrez la vérité. Amen. Et la vérité vous rendra libre. Ne résistez pas contre la vérité. Ne vous opposez pas à la vérité. Ne combattez pas la vérité. Accueillez la vérité d'abord. Et dites à Jésus d'accepter. Êtes-vous là? Vous allez voir là? Alors, le diable, quand il a tenté Jésus, de toutes ses manières, la fiasco sur fiasco. Il a échoué complètement. Il était mécontent. Le mécontentement du diable n'est pas forcément le mécontentement de Dieu. Savez-vous que Dieu était satisfait du comportement de son fils Jésus-Christ? Pendant que Dieu côté comme ça, le diable grinçait les dents, mécontent, abattu, grinçant les dents et cherchant une occasion favorable. Mes chers amis, Dieu n'a qu'une seule raison pour se mécontenter. Lisons là dans l'exposé de cette église. Page 157. Premier alinéa. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. De chacun des âges. Dans chaque âge, c'était le même cri. Écoutez ce que l'Esprit dit. Si vous êtes chrétien, vous reviendrez à ce qu'enseigne l'Esprit. C'est-à-dire la parole pour cet âge. Chaque messager de chaque âge prêchera cette parole. Chaque nouveau réveil authentique aura lieu parce que des hommes sont revenus à la parole pour leur âge. Le cri de chaque âge, c'est la réprimande. Vous avez quitté la parole de Dieu. Répentez-vous et revenez à la parole. Du premier livre de la Bible, jusqu'au dernier livre, l'Apocalypse, le mécontentement de Dieu n'a qu'une seule cause. C'est quoi? Qu'on quitte la parole. Quand on quitte la parole, ça mécontente Dieu. Et il n'y a qu'un seul remède pour retrouver sa faveur. On revient à la parole. Amen. Maintenant, le diable était mécontent. Et les Sanhédrins étaient mécontents. Quand les disciples prêchaient au nom de Jésus. Vous vous rappelez, non? Ils étaient mécontents contre les disciples. Les disciples enseignaient au nom de Jésus, répandaient cet enseignement dans Jérusalem. La question. Moutouna. Les disciples avaient-ils quitté la parole? Non. Jésus, quand le diable est venu les tenter, avait-il quitté la parole? Maintenant, le mécontentement du diable avait quel sous-bassement? Voilà pourquoi nous devons devenir indifférents face à son mécontentement. Qu'il soit furieux ou gentil, nous nous en foutons. Il est notre adversaire, c'est notre ennemi. Il rôde cherchant qui dévorer. Nous n'avons à suivre aucune de ses humeurs. Vous allez dire que nous allons dire que c'est pourquoi Dieu lui a donné la vie. Si il est heureux dans ses rébellions, qu'il nous laisse tranquilles. Nous sommes heureux dans l'obéissance. Nous avons choisi d'obéir à Dieu. Plus qu'aux hommes, plus qu'aux démons. C'est ça. Ici dans Apocalypse 12, verset 12. C'est pourquoi réjouissez-vous, cieux, et vous qui habitez dans les cieux. Nous avons raison de nous réjouir parce que nous vivons dans l'obéissance. Malheur à la terre et à la mer, car le diable est descendu vers vous, animé d'une grande colère, sachant qu'il a peu de temps. Mm. Moi, je m'en foudrais. Je serai d'ailleurs héroïque. Quand après l'enlèvement de l'église, je serai dans le bonheur du ciel. Indifférent de tout ce qui va. Ma Et toi aussi qui seras enlevé, tu t'en foudras. Et toi, tu connais toi, écoute la caillotte. Vous voyez que sa colère, c'est état d'inertie. Vous voyez, c'est quand on a le même. Nous t'en foudons. Et t'as l'église au côté. Amen. Nous cherchons à plaire à notre Seigneur Jésus-Christ. Vous allez vous dire la conséquence. Celui qui nous a enrôlés dans la bataille. Vous allez y aller, c'est une dans 2 Timothée, ici, chapitre 2. Vous savez ce que la Bible dit encore là-bas. Verset 4. Il n'est pas des soldats qui s'embarrassent des affaires de la vie s'il veut plaire à celui qui l'a enrôlé. Soldat oyo malamu na Christ Yesu ajali kobuna akobulunga na kati na makambo na bomoina makolo na mokolo na mokolo te ete asepelisa ye oyo abangie na mosala. Que le diable entre dans les choses de la vie. Notre souci c'est de demeurer dans la parole. Notre préoccupation c'est la volonté de Dieu. Les humeurs des démons. Je garderai ma position dans la vérité. Ils viennent de nous ou des jours où j'ai cru en Dieu et je l'aime de tout mon cœur. Rien ne changera cela. Je lui obéirai et je le servirai à tout espoir de ma vie. Rien ne changera. Je m'attacherai à son évangile. Je donnerai son message partout à tout moment. Rien ne changera. Voulez-vous le faire? Voulez-vous le faire? Que Dieu soit loué. Dieu est mécontent chaque fois que l'on quitte la parole. Mais le diable est l'une. Quand vous demeurez dans la parole, quand vous mettez la liloba, il est allié. Nous n'avons que faire de ces mécontents. Il faut étaler vous ôter à ces agents à côté. Quand ces mécontents, nous nous répandons. Tant on a mis un côté là, nous autres voyons pas. Revenez, répandez-vous. Vous allez immédiatement. Sans tarder. Vous en avez combien là? Êtes-vous là? Vous allez voir là? Maintenant le diable qui s'était éloigné de Jésus. Dans Luc 4, juste en étudiant ses stratégies, il s'est dit au jardin d'Éden, je m'étais incarné dans une créature. Bon. Je suis allé auprès de lui face à face. Je vais recourir à une nouvelle cartouche. Comme à l'époque où je m'étais incarné. Dans une créature de Dieu. Appelé le serpent. Et là, j'avais attrapé le premier homme, Adam. J'ai eu Ève facilement. Même s'il m'a fait ça, dans le match retour, je l'aurai certainement. Et cette fois-là, c'est par la mort qu'il me prouve qu'il ne va pas mourir. Donc, le premier Adam aussi n'allait pas mourir. Mais quand j'ai utilisé ma stratégie, la mort est entrée. J'ai réussi à obtenir la mort. Il ne savait pas que Jésus-Christ là, était la résurrection et la vie. Et même s'il pouvait l'avoir par un semblant de mort, Jésus allait récupérer sa vie. Amen. Et c'était une nouvelle leçon magistrale. Que le diable et que Jésus a imposé au diable. Il a appris ça à ses dépens comme on dit. À la tissier, Mais wapi, Jésus est plus fort que la mort. Mais pour obtenir sa mort, il a dit, j'ai obtenu la mort dans le jardin des fèves, en les dans. Alors, bongo, je vais voir parmi Nakotala. Je trouverai un mécontent. Nakokuta moto moko azan ko sepela. C'est lui qui sera mécontent. Yewa kozanga ko sepela. Et c'est lui là que je vais utiliser. Ezali yewana ninga nakosalela. Le mécontent. Moto azan ko sepela. C'est pour ça que dans l'église, quand Dieu dit soyez toujours joyeux, veillez à être toujours joyeux. Namba bibi, vous allez attendre notre sengo. Vous allez attendre. Nous l'avons dit dimanche, on l'a lu dans l'ordre. Un problème, une question se pose. Asseyons-nous et réglons ensemble. Tu fanda, ne gardez jamais le mécontentement dans le cœur. Parce que vous deviendrez facilement le vase du diable. Comme que les intérêts du royaume de Dieu. Comme les intérêts de l'église, le Seigneur. Chassez le mécontentement. Que vous soyez frères ou sœurs, je vous prenez ce conseil. Ne gardez pas le mécontentement dans le cœur. Tout est tremplé du diable. Allons là où il voulait. Il cherchait le moment favorable. Et puis il a eu un instrument favorable. Il a facilité le moment favorable. Oh miséricorde! Matthieu 26. Regardez d'où est venu le mécontentement. Matthieu 26, et reprenons verset 6. Jusqu'au verset 14. Comme Jésus était à Béthanie, dans la maison de Simon le lépreux, une femme s'approcha de lui, tenant un vase d'albâtre qui renfermait un parfum de grand prix. Et pendant qu'il était à table, elle répandit le parfum sur sa tête. Les disciples voyant cela, c'est indigné, mécontent. Les voilà. Ils ne savaient pas que le diable rôdait autour. Ils se sont laissés emporter dans un mécontentement, dans l'indignation. Oh, c'est une porte qui nous ouvrait à l'ennemi. Église, réveille-toi. Ce qui est écrit, c'est pour notre Seigneur. Le diable cherche les occasions pour donner de grands dégâts. Les disciples voyant cela s'indignèrent et dirent à quoi bon cette peine. Et j'ai là qui est na Bethanie na ndako na Simon. C'est une peine pour le diable. Wana zalaki eloko ya malamu sikana ya malamu eta kota penza kwa sababu. Il a obtenu le mécontentement général de l'église. Ya zwaki kozanga ko sepela na mobimba na eklesia. Et Jésus s'est retrouvé seul contre tous. Et Yesu abikutama ki ye moko. Voyez-vous ça? Le berger seul contre tous. Mobateli mokengeli ye moko. Kotela na batu ya tele. Et mon agriculteur, qui rôdait autour, là, qui cherchait l'occasion. Un petit rien. Le domaine sentimental. Pour lui, c'était une occasion en or. Pour lui, c'était une écoutez la suite. Et c'est regrettable. Comme des fois nous donnons accès au diable, pendant que Dieu nous interdit de donner accès au diable, mais il nous recommande de donner accès partout à Jésus-Christ. Mais nous, qu'est-ce que nous faisons? Trop de laisser aller. Trop distrait. Les disciples voyant cela s'indignèrent et dirent, à quoi bon cette perte? J'ai là qui est sous la bétaine, n'en a qu'on a Simona, Motonambala. Mwasi moko ayeli ye na mbeki na abalatisa etondi na mafuta na malasi na motu ya monene mingi asopi yango na moto na ye wana efandaki na mesa nde emoni bayeko libongo bayoki mabe balobi ete libebi oyo ezali mpona nini. On aurait pu vendre ce parfum très cher et en donner le prix aux pauvres. Zambi ekokaki kotekisa oyo na mosolo mingi. Jésus, s'en étant aperçu, leur dit, pourquoi faites-vous de la peine à cette femme? Yesu ayeba ki bongo te alobi na bango eti. Pona nini bozali kokotungisa mwasi? Il a fait une bonne action à mon égard. Zambi asali ngai likambo na kitoko mingi. Car vous avez toujours des pauvres avec vous. mais vous ne m'avez pas toujours. En répandant ce parfum sur mon corps, et l'a fait pour ma sépulture. Je vous le dis en vérité, partout où cette bonne nouvelle sera prêchée dans le monde entier, on racontera aussi en mémoire de cette femme ce qu'elle a fait. Najali koloba na bino solo ete, esika na esika wana bato bako solo la sango malamu oyo, kati na mokili mobimba, likambo lisali ye ekoyeba na pona ekaniseli na ye. Dites-moi, après que Jésus ait parlé devant cette grande divergence qui s'est manifestée, na sima ete Yesu aloba liboso na kozanga boyokani monene etalisamaki, avec des mécontentements audibles des disciples, na kozanga kosepela boyokani boya bayekoli. Quelle a été la réaction de tous les disciples? Kozongisamona kozelaki ya bayekoli nini bango banso. Pouvez-vous voir? Pouvez komona? Silence. Aucun d'eux n'a interjecté. Moko na bango, aucun d'eux n'a commenté. Ateki maloba likolo te. Mais regardez après ça. Kati botala na sima na yango. Qui a profité? Nani azwaki libaku? Là où les autres ont gardé profil bas, se sont tués. Et pas Ewa, puis Basusu, Bamitien, Aulengi, Asse, Bakaline, alors, l'un des douze. Bon, moi, je vais vous parler, Mawama Bemingi. Appelez Judas Iscariote. Alla vers les principaux sacrificateurs et dit, que voulez-vous me donner, et je vous les livrerai. Et ils lui payèrent 30 pièces d'argent. Depuis ce moment-là, il cherchait une occasion favorable pour livrer Jésus. Bongo moko na bazomi na mibale kombo na ye Yuda Mokelota akendaki epai na banganga minene alobi ete bolingi kopesa ngai nini sokona kokaba ye epai na bino bafuti ye misolo na palata 13 longwa na ntango yango aluki nzela na kokaba ye bolobela ngai baninga ponani akei kosala yango mécontent. Est-ce pour le royaume de Dieu? Pour une bonne action? Pour aller cambouer malamo? Madame Bollard, des affaires d'argent. Madame Misolo. Il était mécontent. Azana Kosepela. Voilà que Jésus a passé côté. Comment la gardienne semblait devenir d'accord. Basusu, Bamouna Kete, Bandimi Angolo Lengi. Lui a prolongé son mécontentement. Il lui a privé une occasion d'attraper l'argent. Il va petit singe la moto Kosa Misolo. Pour une fois tous les disciples. Pour n'en parler encore, après ça, donc la vérité qui venait résoudre notre mécontentement. Les disciples pensaient que la femme avait mal fait, elle avait perdu. Quand Jésus a expliqué, ils ont compris que c'était une bonne action. Mais l'intrus. L'infiltré. Qui n'avait pas nature des enfants de Dieu. Quand la parole rentre sur les enfants de Dieu, lui a raté d'écouter ce que l'Esprit disait. Il a dévoilé sa nature. Qu'est-ce que c'est? Le koso yambongo. L'avidité, la cupidité, l'avarice. Des fois, ça vous mène à la mort, hein? Bah, la monsieur, je commets moi, la koufa. Hier, ce qui s'est passé à la maison, là, chez moi. Adam a mélangé juste un peu de produit, là, dans les poissons. Voilà, maman, ça qui les souris. On a couché, mon temps, vous payez, n'a pas beaucoup. Le sachet, là, on avait mélangé, et les salles à cuisine. Ça n'a même pas fait une minute. Yango, et salles qui, attends, ça, mon temps. Vous êtes venu, et comment dire? Les souris, pour t'emporter ça. Bango, va venir, Yango. On va dire que Balukawana. Tala lokoso et si kene makamoutra. Sachez et d'aller le côté, solo ya pamba. Même pas une minute, le temps de faire tour pour ce qui est chez moi. De la cuisine au salon. Pour rentrer le sachet du moins. Eh! Quelle rapidité! Wana lumbango nini. Mon Dieu. C'est comme ça que Judas était. Ma femme, toi tu prends. Yo ça oyo, moi c'est l'angaï. Mon fils, tu as pas besoin de quoi. Là il n'a pas besoin de quoi. Je vais me faire. Avant que ma enfoiré, on a pas eu. Libosoite. Frère Jida, mon gars, combien vous n'avez pas eu de quoi. Mais les amis, pour lui, qu'on a cassé. Maintenant, il a dit que tout le monde a réclamé pour le parfum très cher de Nana. Mon ni bateau, moi, bah si le coffin n'a pas na. Malasoua, la moutou a mingi pour eux, Anna. Expliquer s'ils étaient. Tu veux que l'on a bango. C'est clair. Tu veux que l'on a bango. Mais Jésus parle sans rien donner en retour. Mais Jésus parle sans rien donner en retour. Il n'a même pas remplacé des billets d'argent, des banques. Il a pas remplacé des billets d'argent, des banques. Il n'a pas remplacé des billets d'argent, des banques. Judas s'est dit, ça, c'est une trahison. Judas l'a dit, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, comment ils peuvent faire ça? Est-ce que vous avez fait ça? Ils sont le bien et caca. Caca malouba le bien et puis calme. Non. Abimina. Balamoko, Aki Kumuna, Bangsanga. Beaucoup de gens qui sont le bon. Il fallait beaucoup de choses. Je vous dis. Mais ici, et puis, il y a des gens qui ont des gens qui ont des tabac. Ma femme, nous connaissons les gens qui ont des gens et puis, ma femme, nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, au lieu que moi je parle, je suis dans la maison. Vous pouvez s'en aller solo, n'a pas de chien. Vous pouvez s'en abonner. Direct. Là, c'est l'arrêt. Direct, c'est ce côté. L'arrêt, c'est ce côté. Il solo, n'a l'homme, balamon. Vous n'avez pas de bilinga bilinga. Ce qui n'a l'objet qu'on a, bago, le bago, le langage. Je ne comprends plus. Mes frères, là, on a marché. Nous avons été d'accord que c'est une perte. Mais j'ai dit, j'ai dit. Balamoko, vous allez vous donner malheur. Vous allez vite. Vous allez dire, construire la salle et la femme, bago. Pas ligné. Mais c'était pas évident, c'est il a parlé, oui, mais le concret, concret, c'est quoi? Combien on a parlé, Kaïs? Bon, zéro! Le côté. Mais en répandant le parti, on a perdu nous. Wana, parce que pas mal, c'est tout le monde qui m'aime. Il a donné vraiment des théories, il a parlé. Allô, vous voulez maloba? Mais combien de moutons ils se sont tués? Bah, on va pas faire ni vous le verrez avant après tout, nous sommes tous des fils. Merci, ma soupe, vous allez à Yuda. Ton bota me colomoko, n'est-ce pas? Bêta. Ton bota me colomoko. Ah, toi, madame Boga. Bon, la santé, oh, on a la vie qu'on a. Moi, dès que ça a été, bota me satisfait. Vous la sangam, on satisfait. Les gens, on a marche. Lobby, lobby, peu qu'on a trop de la paix, deux bannis, naïe. Mais on a quoi, ça peut être, on a pardon, on a son yao. Voilà le genre de frère. Ah, là, le genre de quoi? Azalaka, ouais, mais Azalaka, et pas Salaka. Jida. Yuda. Alors, bêta, ça marche. Après, il y a un bon moment. Mais tout le monde est là, tout. Et puis, est-ce qu'avant, il y a Ayawa, est-ce qu'il y a la vérité? Mais sur la bino, est-ce qu'on a un problème? Bon, on a une gravité. Et ça, on a marche. Donc, lobby, ce qui fait baby, on ne peut pas avoir d'ailleurs, il y a d'ailleurs. Il y a d'ailleurs, mais on ne peut pas avoir. Et ça, on a une gravité. Judas. Judas. Hein? Moutou Aboyazon, il peut qu'on a, aux autres, on a dit que Dieu te bénisse, frère Judas. Amen. Mais mon thème, on a un peu de temps. Ça, on a mis ça, mon nom. Libanda kuna ojibiti azalaka nini me ao musanto azande kuna biso là quand il est allé faire la coupe d'argent il n'a pas fait ce pied même pas agiré même pas agiré ata yohane te akenda kye moko kodi nga to faire la pression ensemble l'arébi mamba vous mouton n'a jamais stig ce qui tombe maintenant la pression alinga créa tambongo le tombe de tous les gens mais content il allait comprendre que tout le groupe est contre. Il allait même à celle qu'elle comprend, elle est beaucoup côté. Mais Bangwa, le mec a la théorie pour lui, à pêcher le côté, miracle, boule, voilà, ça va, bon, fanny, n'y non, nous allons vous parler de l'église à boire, pourquoi, ce qu'on fanny cacao, n'a pas bamba pantalon, ou faut mon bol là. Puis quand même, nous ne savons pas direct. Ok, il est allé voir directement. Ok, comment on a, vous me proposez bien. Allez, venez, vous faites une abonnée. Sudayoka. 30 pièces. Sudayoka. Oh, ah, ça a tout commis ça, toi. Mieux pour ça que zéro. Ouais, non, c'est que l'autre va faire. Mais on ne peut pas rien. Qu'on a fait le côté. Occasion, il y a qui vraiment beaucoup. Mais, tout bimim piaka, ma bongo pamba, n'a pas théorie, kak. Il est solide, ma théorie, bah toi, on est en famille. Parce qu'il n'a pas de livre, on ne peut pas faire ça. Bon, fais ça 30 pièces, on. Alors, il rentre. Azongi. La Bible dit quoi? Il est le vini. Mais c'est bon, mal. Où t'attends, Gohana? Il cherche quoi? une occasion favorable. Le diable, quand il avait été vaincu, il continue à rôder autour du groupe. Jésus lui-même, il doit affamer, et qu'il aille à manger, et qu'il aille à manger, il est venu, cherchant un moment favorable. Mais il a surgi ici, et il a vu un mécontent. Il est pris dans le groupe. Wana, ça le dîner, quand il est tombé à bateau. À côté lié, le col à côté de la gacaille, hein. Afin que Kota le colla yake paina kaina. On a ma cambo intérêt charnel. On a ma cambo charnel. Kaya fut irrité, n'est-ce pas? Kaina a tombé quand il est venu même l'interpeller. Zamba a copié, Kobenga a écouté. Le Seigneur a même dit, l'un de vous me livrera. Alors, qui écoute, moi, quand même, la Kokabangaï. Mais j'ai d'un autre colloque. Donc, cet esprit de mécontentement, de l'irritation. Et il voulait seulement faire ce que le diable voulait. Alinga qui cosa la vauvre aux abos la lingui. C'est comme ça que Caïn a tué même son frère. À cause du mécontentement. Et de la jalousie. Que ce sentiment ne vous habite pas. Parce que là, ce sont des tremplins du diable. Tout ce que vous utilisez contre l'église de Dieu. Et si au moins nous mettons une église à une réponse, c'était à l'obitique. Ah! Na église aux yeux consolation t'es. Et tu pars chercher la consolation dans une bouteille de skol ou de primis ou de ferrouze ou je ne sais pas quoi là. Bonjour samité, Vekoluka, bonjour samakuna libanda. Les malétinants. C'est là que tu pars chercher la consolation. Vous allez pas y aller pour aller pour kende koluka, bonjour sama. Est-ce que tu es sérieux? Wana aux allées, tu nous malam boué, consa la boué. Oui, église, aux allées na malam ina tu mis ayoba sam. C'est comme s'il y a rien. Au lieu de croire et tenir ferme. Ah. Oui, ce que n'a pas dit, bon, on a la crise, à baissé. Marqué de combien d'attends, moi, mi balise. Et calmez esprit. Et on trouve quelqu'un qui quitte l'église, qui part chercher la consolation dans le plaisir mondain. Ah! N'est-ce pas l'esprit de Judas? Allons-nous l'église est mécontent. Nous sortons de l'église joyeux. Toté Yanako. Même temps que tu reviens à Foucault, il est mort. Yo, de matin, vous voyez ici, on peut savoir ton beau tété. Le quoi, mes contentements. Où est-ce qu'il me souvient de moi? C'est quoi? Au lieu de la joie, là où il y a la joie. Oui, mais qui sont pressés autour du nom de Colocan à la porte. Au lieu même de s'arrêter, c'est repartir. Il y a un cinéma, aux ongles à Koyambo, la fin. Il y a un sac, il y a un sac, il y a un sac, il y a un sac. Et là, c'est vite. Tu continues, tu fonces. Dieu t'interpelle même. L'ambassade, Koukan, tu es là. Bouli, mon cahier. On est venu à l'église, mais on sort mécontent, irrité. Oui, l'église, aux uns qu'on s'est fait là, au tombeau qui coûte. Nous devons chasser cet esprit. Oui, vous bien, la molle, moi. Il doit chasser cet esprit, la famille. Oui, vous bien, la molle, moi, la quatre, n'a pas moins, là. Le Seigneur a dit, soyez toujours joyeux. Vous l'avez vu, la tango, le Seigneur, c'est ne permettez pas à l'irritation de vous envahir ici. Vous pouvez sans élater, n'a pas. Awate. Tout le monde a été, moi. Parole et pessimiso, et c'est mon akimia. Amen. Que la paix du Seigneur soit sur vous. Kimia na kolo za likolo na bino. Le président me dit, mais c'est que nous sommes devenus. Quand la réunion dure trop longtemps, nous devenons mécontents. Tango, voyons la réunion, nous sommes tombés. Dans les sermons, les instructions de l'ange Gabriel à Daniel. Quand la réunion dure trop longtemps, nous devenons mécontents. Pourtant, la Bible dit, mieux vaut un jour dans la présence de Dieu dans la maison de l'Éternel que mille joyeux. Mais si le diable même cette joie-là, quand ça dure, vous devenez mes contatrices. Comme je vous ai dit, il y a des assemblées, nous les apportons même en grimaçant. Bato bazali ko bimaka ko swaka mu mitwaka mino. Mon cher tracte biti, hier, a consulté sa Bible mu bimba lelo. En train de parler, il sort en train de parler. Où est-ce que le diable amène les esprits des gens? Qu'est-ce que nous cherchons dans la maison du diable? Comment nous pouvons nous laisser aller jusque là? Il y a quand même la Bible, non seulement l'eau. Mais quand vous obéissez, où est-ce que nous considérons la Bible, non seulement l'eau. En train de parler au couloir, il sort dehors. Et puis il va devant en train de dire, bon, il gâte! Et puis il est parti. Wana, apenikimo tukakena lombangu. Ah, mon Dieu. Ce sont nos frères. Dans le milieu de la des frères qui font des choses comme ça. Bande koko salaka makamalulenge wana. Des blancs. Amindele. Ils viennent rassembler et puis ils sortent en colère. Détruisant l'église de Dieu. Vendant l'église de Dieu au diable par l'église même. Ne faites pas ça dans la maison de Dieu. Soyez toujours joyeux. Soyez patient. Honorez le Seigneur. Nous sommes d'accord. On est venu chercher une occasion, un moment favorable. Et Satan a trouvé un pion. Et ça, t'en as qu'il fallait le naïe, moko. Comme il en avait trouvé un au jardin des Eden. Et c'était Judas l'Iscariot. Et là, qui Judas, mon prêtre. Le prêtre. Et il est venu s'incarner en lui. Aïe, comme il côte, ça n'a pas qu'il naïe. À cause de cette colère. Atina y'a kanda wana. Le diable est entré en lui. Zabou, la kota qui kati naïe. Quand il y a quelque chose qui ne va pas, réglons ça à la manière chrétienne. Ça ne doit pas devenir des inimitiés ou des rancunes. Et dit la parole et faisons ce que dit la parole. Il ne faut pas maintenant qu'après ça, il y ait des états d'âme, des émotions gardées, des vieux souvenirs à rappeler. Votre corps est le temple du Saint-Esprit. Ne laissez pas pousser n'importe quelle herbe là-bas. Résistez tous les démons. Quels sont les esprits mauvais? C'est un avec les mauvaises humaines. Des rancunes. Et de l'irritation et de mécontentement. Soyez toujours joyeux. Ne donnons pas accès au diable. Amen, amen. Amen. Ton ennemi cherche une occasion. Le diable a la manœuvre. Ne lui donne pas accès. Ne lui donne pas cette occasion. Vaille pour ta part. Résiste chaque fois. Et demeure dans la parole. Il y aura l'approbation de Dieu. La faveur de Dieu. Amen. Amen. C'est comme ça que priait frère Brennan. Il a prié une fois. Il a même que s'il y en a qui soient mécontents, okay, mais qui soient heureux. Même si en venant vous étiez mécontents, notre prière ici dans la réunion, c'est que vous l'aviez heureux. Dans le sermon la reine du midi, prêché le 27 novembre 1960, bienveillant Seigneur, ces paroles ont été transcrites par le scribe Matthieu. Maloba c'est ta propre parole. Et nous savons que ta parole est vie. Et elle est une condamnation pour le croyant. Et la vie pour le croyant. Nous prions Seigneur, s'il y a des incroyants, qu'ils deviennent des croyants ce soir. S'il y a des malades, qu'ils soient guéris. S'il y en a qui sont mécontents, qu'ils soient heureux. Ceux qui sont sans joie, que la joie coule de leur puits. Et que l'amour de Dieu plante ce puits une fois de plus. Et qu'une pluie de Dieu s'y déverse. Accorde le Seigneur. Pardonne-nous nos offenses. Comme nous avons pardonné à ceux que nous ont offensés. Et nous te demandons Seigneur de nous recevoir comme tes serviteurs. Et nous te prions de nous accorder un grand projet. Pendant ces quelques jours de conférence et de réunion. Combien nous te remercions pour ce qui a été déjà fait. Quelques paroles dites en prière. Voilà, cela suscite ta joie. Ça motive ton cœur à joie. Et qu'après cette réunion, tu sois amen. Sois détendu. Il y a eu des gens qui t'avaient offensé. Pardonne-les. Il y a des rancunes dont tu n'arrives pas à te débarrasser. Dis Seigneur, aide-moi, tu es mon aide. C'est toi mon secours, je suis en détresse. Je ne peux pas garder le mal. Je vais garder le bien dans mon cœur. C'est le nom de Dieu pour la prière. C'est le nom de Dieu. Sauve marcher, Seigneur, par où tu es passé, chemin con des envers les siens. Partout, partout, donna la joie aux gens abandonnés. Remplis-moi chaque jour d'un. Jésus, remplis-moi, chaque jour d'amour. Comme je marche, avec ta colonne. Oh, laisse-moi marcher toujours avec son. Et remplis-moi, chaque jour d'amour. Gardez-moi à côté, et mon sauveur et guide de mes lettres dans les témoins. Gardez-moi, tu cours, et ça triste mon âme. Remplis-moi chaque jour, remplis-moi, remplis-moi. Chaque jour d'amour, comme je marche, je marche avec ta colonne. Saint-Esprit, laisse-moi marcher toujours avec chant et sorti. Remplis-moi chaque jour d'amour. Bientôt, finis la course. Bientôt, finis la course. La fin de mon voyage, d'habiter au ciel chez moi. Et je chante la béné, et la route est la rive. Remplis-moi chaque jour, Jésus, remplis-moi, remplis-moi chaque jour d'amour. Alléluia, comme je marche avec ta corps. Colombe, colombe de Dieu, laisse-moi marcher toujours avec chant et sourire. Fais-moi chaque jour de Jésus, remplis-moi, remplis-moi chaque jour d'amour. Alléluia, comme je marche, et la comme colombe de Dieu, laisse-moi marcher toujours, avec chant et soleil. Remplis-moi chaque jour, laisse-moi marcher, Seigneur, par où tu es passé. Comme un con des envers les siens. Partout, partout donne la joie aux gens abandonnés. Remplis-moi chaque jour de sauveur, remplis-moi. Tout à tout, comme je marche avec la carte. Colombe, colombe de Dieu, laisse-moi marcher toujours, et sans essorer. Fais-moi chaque jour de Jésus, remplis-moi, tout à vous. Alléluia, je marche avec ta cœur. Laisse-moi marcher toujours avec chant et sourire. Remplis-moi chaque jour d'amour. Disons chacun mot de prière. Dans la foi et l'humilité. Que Dieu contrôle tout de nous. Il est actif partout dans nos êtres. Et qu'il accomplisse toutes les merveilles qu'il voudra. Miracle et œuvre. Action et intervention. C'est lui qu'il nous faut. Ils allaient les faire pour notre prière. Abandonné tout, j'abandonne tout, tout à toi mon sauveur béni, j'abandonne tout. J'abandonne, j'abandonne tout, mon Dieu. J'abandonne tout, pour l'agneau tout, à toi, mon sauveur béni, j'abandonne tout. Dieu bienveillant, notre Père céleste, console le cœur de chacun de nous. Répand l'onction de joie et de satisfaction. Brise tous les mécontentements. Brise les irritations dans les cœurs. Brise les mauvaises humeurs qu'il y a là-bas. Et chacun trouve la joie auprès de toi. Et chacun obtienne la paix du cœur dans ta présence. Et l'évangile de paix touche nos cœurs. Et nous donne la paix de Dieu. Pardonne nos péchés. Amen. Nous-mêmes nous avons pardonné à ceux qui nous ont offensés. Alors Père, pardonne à chacun de nous. Tu as dit que le cœur pur c'est ce qui est en Dieu. Produis à nous un cœur pur. Change-nous complètement, Seigneur. Agis par l'efficacité de ta parole. Et que nos vies se reflètent. Nous voulons être de vrais disciples de Jésus-Christ. Mort à eux-mêmes. Mort au péché. À tous les conflits et les rancunes, à tous les cœurs rancuniers, Seigneur, donne-nous un cœur qui aime, un cœur chrétien, chacun pour sa part. Exauce nos prières et sois notre secours face. Tu es notre aide, nous l'avons dit. Nous le croyons comme un Seigneur. Nous ne prétendons pas suffire à nous-mêmes, mais nous croyons que tu es la portion que nous voulons. Et quand tu nous manques, nous ne sommes pas bien. Exauce la prière de chacun. Et bénis cette église. Et délivre-la de chaque épreuve. Et tout combat. Tu nous as fait plus que vainqueurs. Tu nous apprends à croire en notre victoire. Et nous croyons en notre victoire. Comme quoi dans chaque bataille, nous devons vaincre. Et nous allons vaincre. Car telle est ta volonté pour toi. Lève ton bouclier sur nous. Protège-nous contre tout danger. Quand l'ennemi rôde autour de nous, viens-nous éveiller. Viens-nous vigilants. Garde notre sobriété. Ne nous laisse jamais distraire. Nous voulons être éveillés. Et toujours réveillés. Maintenu dans la vérité. Gardez dans ta parole. Brise les cupidités, les égoïsmes, tout l'amour des choses charnelles. Donne-nous de l'affection pour les choses charnelles. Une affection authentique et profonde. Que chacun se donne aux affaires du royaume. Garde tes brebis au moment des sorties. Contre tout danger. Contre tout homme méchant. Qui aurait des complots contre nous. Que notre délivrance totale. Que ton nom soit élevé et béni. Le nom de Jésus-Christ. Notre gloire. Amen. Amen. Veuillez vous asseoir. Kuvanda. Et donc, que Dieu vous bénisse richement. Zambia pambola bino mingi.